boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Paramore ouvre avec son This Is Why un pop and rock sur la trail locale RVR dans lequel les nouveautés seront multiples, de l'inégale troisième partie du dernier album des Smashing à leurs frères d'armes les Black Box Revelation, en passant tout de suite par The Mars Volta, les Texans désaxés qui nous offrent leur huitième album toujours loin des standards rock habituels. Voici une double dose de Mars Volta. How many times have we bought it? vous avez aimé Graveyard, premier titre du soir passé de The Mars Volta, issu de leur 8e album, eh bien moi j'ai préféré le même titre, mais en version acoustique, qui figure également sur cet album. Qui arrive à présent est 100% estampillé pop and rock, les petits enfants du rock, malgré des albums récents peu convaincants. Interpol, puisqu'il s'agit du quatuor new-yorkais, Interpol vient de me surprendre avec le Big Chuck City, titre qui n'avait pas retenu mon attention avant qu'il ne le reprenne avec Makaia McCraven. Stop the operation, help me off the table, we need to leave. Not the type to cry. I stay alive, I feel the tendency increase. I can give you what you see in a drunken heartbeat of my sleeve. We'll take it up and come home clean. It's a whole and mystic revelry, a sunken signal submarine. We'll shake it up and come home sweet. Believe in me. Stop the operation. Big shot city, losing vibrations over. Et ouais, dans Pop & Rock, on est des fidèles. Ok, Pop & Rock n'existait pas dans les années 90, apogée de la fratrie Gallagher, mais je suis certain qu'à l'époque, nous aurions programmé Oasis, aujourd'hui cadavre exquis du rock. Par contre, le Noël et le Liam dans le désordre arrivent tout de suite au 104.6 sur RVM. The days when the sun gets into you and the shadows of your heart. There'll be better days when my love will find you, even though we're miles apart. Like an airplane as the world fades out and there's a new world yet to come. And all your pain will release at night into the arms of the chosen one. If you're lost, I'll find you there, with the sunlight in your hair and the sadness washed away by the rain. Open up your eyes, 'cause you're reeling. Baby, try to remember, it's just a feeling. And there'll be better waves that begin to echo through the wasteland of your mind. Through the Milky Way, oh, my love will hold you, hope it gets you through the night. Don't believe the little lies underneath the darkened skies. Stand up, I'll meet you there in the rain. The sunlight in your hair, all the sadness washed away with the rain. Je ne sais pas pour vous, mais moi toujours la question se pose, lequel chantait, lequel jouait de la guitare? Allez, on s'en fout, après le Liam, voici le Noël. There was a boy. Le groupe qui arrive à présent fait une entrée fracassante dans ma bibliothèque musicale. Je ne connaissais pas les Black Box Revelation, groupe belge, et ouais, encore un, au Roland Tress Machine, qui nous offre Poetry Revolves, 8e album des natifs de Gilbeck. Par les Black Box Revolution au Smashing, c'est bien évidemment pour l'énergie, mais aussi pour la voix très inspirée dans certaines chansons par celle de Billy Corgan. Allez, second titre du soir, des Belges de Black Box Revolution, voici Walking Red Post. Am I not the only boy with the name of the love? Vous êtes bien calé dans Pop'n Rock au 104.6 sur Rouen et sa région. Et comme vous le savez, ici dans Pop'n Rock, on écoute des titres qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, comme tout de suite Temples qui nous présente un titre de son nouvel album. Comme souvent, Pop'n Rock se promène entre les États-Unis et les pays du vieux continent pour trouver ses influences rock. Ce soir, c'est en Finlande que nous demandons asile pour rencontrer la fille et les quatre gars de Grave Pleasures.

Grave Pleasures, ou quand le rock psychédélique voire progressif finlandais revient dans sa grande forme avec un second titre, When the Shooting's Done, avec un petit goût d'Interpol. À présent, on va se jeter dans un truc que j'ai découvert au hasard de mes promenades musicales. Je ne sais rien sur Black Nail Cabaret, si ce n'est que j'aime beaucoup leur sister-sister tout de suite dans Pop and Rock sur la très locale RVR. Sister, sister, oh my fallen star. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Sister, sister, you're my fallen star. Ba-da-ba-ba-ba-ba. sister, you're my falling star. Come to papa. Sister, sister, you're tearing me apart. Toy for papa. Beaucoup de temps ce soir dans notre pop and rock, il est donc largement l'heure d'écouter un extrait du dernier opus issu de la dernière trilogie des Smashing Pumpkins et ça s'appelle Spellbinding, c'est issu du cerveau confus du dénommé Billy Corgan. Take me away, I'm your fire. bientôt 18h à Rouen, bientôt 22h à Amplepuis. Ah, le décalage horaire. Mais bon, on va se quitter avec un dernier titre LCD Sound System qui nous chante New Body Roomba, issu de l'étrange film White Noses. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et surtout, bis à tous.